Section 27. Troisième partie. Livre 9e. Ce livre a été écrit en 1839. Il a été revu en décembre 1846. Année 1822. Première dépêche de Londres. Conversation avec George IV sur M. Decazes. Noblesse de notre diplomatie sous la légitimité. Séance du Parlement. Société anglaise. Suite des dépêches. Reprise des travaux parlementaires. Bal pour les Irlandais. Duel du duc de Bedford et du duc de Buckingham. Dîner à Royal Lodge. La marquise de Conyngham et son secret. Portrait des ministres. Suite de mes dépêches. Pour parler sur le congrès de Vérone. Lettre de M. de Montmorency, sa réponse qui me laisse entrevoir un refus. Lettre de M. de Villèle, plus favorable. J'écris à Madame de Duras, mort de Lord Londonderry. Nouvelle lettre de M. de Montmorency. Voyage à Hartwell. Billet de M. de Villèle m'annonçant ma nomination au Congrès. Fin de la vieille Angleterre. Charlotte. Réflexion. Je quitte Londres. Année 1824, 1825, 1826 et 1827. Délivrance du roi d'Espagne. Ma destitution. L'opposition me suit. Dernier billet diplomatique. Neuchâtel, en Suisse. Mort de Louis XVIII. Sacre de Charles X. Réception des chevaliers des ordres. C'est à Londres, en 1822, que j'ai écrit de suite la plus longue partie de ces mémoires, renfermant mon voyage en Amérique, mon retour en France, mon mariage, mon passage à Paris, mon émigration en Allemagne avec mon frère, ma résidence et mes malheurs en Angleterre depuis 1793 jusqu'à 1800. Là se trouve la peinture de la vieille Angleterre, et comme je retraçais tout cela lors de mon ambassade, 1822, les changements survenus dans les mœurs et dans les personnages de 1793 à la fin du siècle me frappaient. J'étais naturellement amené à comparer ce que je voyais en 1822 à ce que j'avais vu pendant les 7 années de mon exil d'outre-Manche. Ainsi ont été relatées par anticipation des choses que j'aurais à placer maintenant sous la propre date de ma mission diplomatique. Je vous ai parlé de mon émotion, des sentiments que me rappela la rue de ces lieux chers à ma mémoire, mais peut-être n'avez-vous pas lu cette partie de mon livre. Vous avez bien fait. Il me suffit maintenant de vous avertir de l'endroit où sont comblées les lacunes qui vont exister dans le récit actuel de mon ambassade de Londres. Me voici donc en écrivant en 1839 parmi les morts de 1822 et les morts qui précédèrent en 1793. À Londres, au mois d'avril 1822, j'étais à 50 lieues de Madame Sutton. Je me promenais dans le parc de Kensington avec mes impressions récentes et l'ancien passé de mes jeunes années. Note, à peine arrivé à Londres, il écrivait à la duchesse de Duras. J'ai été saisi de tristesse depuis que je suis ici. J'ai revu les rues que j'ai habitées. Kensington, dont les arbres sont devenus énormes. L'épreuve est rude. Que de temps écoulé. Ma maudite mémoire est telle que j'ai reconnu jusqu'à des marques que j'avais vues sur des bornes. Tout cela était pour moi comme d'hier. J'ai parcouru en voiture, au milieu de la foule, les allées de Hyde Park, où j'errais à pied en composant Atala et René. Étais-je plus heureux? Mais au moins j'avais le temps d'attendre. Je reçois votre longue lettre. J'en avais grand besoin. Je ne puis soulever le poids que Londres a mis sur moi. Il me semble que je suis au fond d'un désert et que je ne dois plus revoir mes amis. Berlin était une merveille. Fin de note. Confusion de temps qui produit en moi une confusion de souvenirs. La vie qui se consume mêle comme l'incendie de Corinthe, les reins confus des statues des muses et de l'amour, des trépieds et des tombeaux. Les vacances parlementaires continuaient quand je descendis à mon hôtel Portland Place. Le sous-secrétaire d'État, M. Planta, me proposa de la part du marquis de Londonderry d'aller dîner à North Cray, campagne du noble lord. Cette villa, avec un gros arbre devant les fenêtres du côté du jardin, avait vue sur quelques prairies. Un peu de bois taillis sur des collines distinguait ce site des sites ordinaires de l'Angleterre. Lady Londonderry était très à la mode, en qualité de marquise et de femme du Premier ministre. Ma dépêche du 12 avril, numéro 4, raconte ma première entrevue avec Lord Londonderry. Elle touche aux affaires dont je devais m'occuper. Londres, le 12 avril 1822. Monsieur le Vicomte, note, le Vicomte Mathieu de Montmorency, ministre des Affaires étrangères. Fin de note. Je suis allé avant-hier, mercredi 10 du courant, à North Grey. Je vais avoir l'honneur de vous rendre compte de ma conversation avec le marquis de Londonderry. Elle a duré 1 h 30 avant dîner, et nous l'avons reprise après, mais moins à notre aise, parce que nous n'étions plus tête à tête. Lord Londonderry s'est d'abord informé des nouvelles de la santé du roi, avec une insistance qui décelait visiblement un intérêt politique. Rassuré par moi sur ce point, il a passé au ministère. « Il s'affermit, m'a-t-il dit. » J'ai répondu, « Il n'a jamais été ébranlé, et comme il appartient à une opinion, il restera le maître, tant que cette opinion dominera dans les chambres. » Cela nous a amené à parler des élections. Il m'a semblé frappé de ce que je lui disais sur l'avantage d'une session d'été pour rétablir l'ordre dans l'année financière. Il n'avait pas bien compris jusqu'alors l'état de la question. La guerre entre la Russie et la Turquie est ensuite devenue le sujet de l'entretien. Lord Londonderry, en me parlant de soldats et d'armées, m'a paru être dans l'opinion de notre ancien ministère sur le danger qu'il y aurait pour nous à réunir de grands corps de troupes. J'ai repoussé cette idée. J'ai soutenu qu'en menant le soldat français au combat, il n'y avait rien à craindre, qu'il ne sera jamais infidèle à la vue du drapeau de l'ennemi, que notre armée vient d'être augmentée, qu'elle serait triplée demain si cela était nécessaire, sans le moindre inconvénient, qu'à la vérité, quelques sous-officiers pourraient crier « Vive la charte !» dans une garnison, mais que nos grenadiers crieraient toujours « Vive le roi !» sur le champ de bataille. Je ne sais si cette grande politique a fait oublier à Lord Londonderry la traite des nègres. Il ne m'en pas dit un mot. Changeant de sujet, il m'a parlé du message par lequel le président des États-Unis engage le Congrès à reconnaître l'indépendance des colonies espagnoles. « Les intérêts commerciaux, lui ai-je dit, en pourront tirer quelques avantages, mais je doute que les intérêts politiques y trouvent le même profit. Il y a déjà assez d'idées républicaines dans le monde. Augmenter la masse de ces idées, c'est compromettre de plus en plus le sort des monarchies en Europe. Lord Londonderry a abondé dans mon sens, et il m'a dit ces mots remarquables. Quant à nous, les Anglais, nous ne sommes nullement disposés à reconnaître ces gouvernements révolutionnaires. Était-il sincère ? J'ai dû, monsieur le vicomte, vous rappeler textuellement une conversation importante. Toutefois, nous ne devons pas nous dissimuler que l'Angleterre reconnaîtra tôt ou tard l'indépendance des colonies espagnoles. L'opinion publique et le mouvement de son commerce l'y forceront. Elle a déjà fait depuis 3 ans des frais considérables pour établir secrètement des relations avec les provinces insurgées au Midi et au nord de l'isthme de Panama. En résumé, monsieur le vicomte, j'ai trouvé dans monsieur le marquis de Londonderry un homme d'esprit, d'une franchise peut-être un peu douteuse. Un homme encore imbu du vieux système ministériel. Un homme accoutumé à une diplomatie soumise et surpris, sans en être blessé, d'un langage plus digne de la France. Un homme, enfin, qui ne pouvait se défendre d'une sorte d'étonnement en causant avec un de ces royalistes que depuis 7 ans on lui représentait comme des fous ou des imbéciles. J'ai l'honneur, etc. À ces affaires générales étaient mêlées, comme dans toutes les ambassades, des transactions particulières. J'eus à m'occuper des requêtes de monsieur le duc de Fitz-James, du procès du navire d'Eliza Hahn, des déprédations des pêcheurs de Jersey sur les bancs d'huîtres de Granville, etc., etc. Je regrettais d'être obligé de consacrer une petite case de ma cervelle au dossier des réclamants. Quand on fouille dans sa mémoire, il est dur de rencontrer messieurs Husquin, Coppinger, de Liège et Piffre. Mais dans quelques années, serons-nous plus connus que ces messieurs? Un certain monsieur Bonnet étant mort en Amérique, tous les Bonnets de France m'écrivirent pour réclamer sa succession. Ces bourreaux m'écrivent encore. Il serait temps toutefois de me laisser tranquille. J'ai beau leur répondre que le petit accident de la chute du trône étant survenu, je ne m'occupe plus de ce monde, ils tiennent bon et veulent hériter coûte que coûte. Quant à l'Orient, il fut question de rappeler les divers ambassadeurs de Constantinople. Je prévis que l'Angleterre ne suivrait pas le mouvement de l'Alliance continentale, je l'annonçai à monsieur de Montmorency. La rupture qu'on avait crainte entre la Russie et la Porte n'arriva pas. La modération d'Alexandre retarda l'événement. Je fis à ce propos une grande dépense d'allées et venues, de sagacité et de raisonnement. J'écrivis maintes dépêches qui sont allées moisir dans nos archives avec le rendu compte d'événements non advenus. J'avais du moins l'avantage sur mes collègues de ne mettre aucune importance à mes travaux. Je les voyais sans souci s'engloutir dans l'oubli avec toutes les idées perdues des hommes. Le Parlement reprit ses séances le 17 avril. Le roi revint le 18 et je lui fus présenté le 19. Je rendis compte de cette présentation dans ma dépêche du 19. Elle se terminait ainsi. Sa Majesté britannique, par sa conversation serrée et variée, ne m'a pas laissé le maître de lui dire une chose dont le roi m'avait spécialement chargé. Mais l'occasion favorable et prochaine d'une nouvelle audience va se présenter. Cette chose dont le roi m'avait spécialement chargé auprès de Georges IV était relative à M. le duc de Cazes. Plus tard, je remplis mes ordres. Je dis à Georges IV que Louis XVIII était affligé de la froideur avec laquelle l'ambassadeur de Sa Majesté, très chrétienne, avait été reçu. Georges IV me répondit « Écoutez, monsieur de Chateaubriand, je vous l'avouerai. La mission de monsieur de Cazes ne me plaisait pas. C'était agir envers moi un peu cavalièrement. Mon amitié pour le roi de France m'a seul fait supporter un favori qui n'a d'autre mérite que celui de l'attachement de son maître. Louis XVIII a beaucoup compté sur ma bonne volonté et il a eu raison. Mais je n'ai pu pousser l'indulgence jusqu'à traiter M. de Cazes avec une distinction dont l'Angleterre aurait été blessée. Cependant, dites à votre roi que je suis touché de ce qu'il vous a chargé de me représenter, et que je serai toujours heureux de lui témoigner mon attachement véritable. » Enhardi par ces paroles, j'exposai à Georges IV tout ce qui me vint à l'esprit en faveur de M. de Cazes. Il me répondit, moitié en anglais, moitié en français, « À merveille, you are a true gentleman !» De retour à Paris, je rendis compte à Louis XVIII de cette conversation. Il me parut reconnaissant. Georges IV m'avait parlé comme un prince bien élevé, mais comme un esprit léger. Il était sans amertume parce qu'il pensait à autre chose. Il ne fallait cependant pas se jouer à lui qu'avec mesure. Un de ses compagnons de table avait parié qu'il prierait Georges IV de tirer le cordon de la sonnette et que Georges IV obéirait. En effet, Georges IV tira le cordon et dit au gentleman de service « Mettez monsieur à la porte !» L'idée de rendre de la force et de l'éclat à nos armes me dominait toujours. J'écrivais à monsieur de Montmorency le 13 avril « Il m'est venu une idée, monsieur le vicomte, que je soumets à votre jugement. Trouveriez-vous mauvais qu'en forme de conversation, en causant avec le prince Esterhazy, je lui fisse entendre que si l'Autriche avait besoin de retirer une partie de ses troupes, nous pourrions les remplacer dans le Piémont. Quelques bruits répandus sur un prétendu rassemblement de nos troupes dans le Dauphiné m'offriraient un prétexte favorable. J'avais proposé à l'ancien ministère de mettre garnison en Savoie lors de la révolte du mois de juin 1821. Voyez une de mes dépêches de Berlin. Il rejeta cette mesure et je pense qu'il fit en cela une faute capitale. Je persiste à croire que la présence de quelques troupes françaises en Italie produirait un grand effet sur l'opinion et que le gouvernement du roi en retirerait beaucoup de gloire. Les preuves surabondent de la noblesse de notre diplomatie pendant la Restauration. Qu'importe au parti ? N'ai-je pas lu encore ce matin dans un journal de gauche que l'Alliance nous avait forcés d'être ses gendarmes et de faire la guerre à l'Espagne ? Quand le congrès de Vérone est là, quand les documents diplomatiques montrent d'une manière irrécusable que toute l'Europe, à l'exception de la Russie, ne voulait pas de cette guerre, que non seulement elle ne la voulait pas, mais que l'Angleterre la repoussait ouvertement et que l'Autriche nous contrariait en secret par les mesures les moins nobles. Cela n'empêchera pas de mentir de nouveau demain. On ne se donnera pas même la peine d'examiner la question, de lire ce dont on parle sciemment sans l'avoir lu. Tout mensonge répété devient une vérité. On ne saurait avoir trop de mépris pour les opinions humaines. Lord G. Russell fit, le 25 d'avril, à la Chambre des communes, une motion sur l'état de la représentation nationale dans le Parlement. M. Canning la combattit. Celui-ci proposa à son tour un bill pour apporter une partie de l'acte qui prive les pères catholiques de leur droit de voter et de siéger à la Chambre. J'assistais à ces séances sur le sac de laine où le speaker m'avait fait asseoir. M. Canning assistait en 1822 à la séance de la Chambre des Pairs qui rejeta son bill. Il fut blessé d'une phrase du vieux chancelier. Celui-ci, parlant de l'auteur du bill, s'écria avec dédain « On assure qu'il part pour les Indes. Ah, qu'il aille, ce beau gentleman, this fine gentleman. Qu'il aille, bon voyage. M. Canning me dit en sortant « Je le retrouverai ». Lord Holland discourut très bien, sans rappeler toutefois M. Fox. Il tournait sur lui-même, en sorte qu'il présentait souvent le dos à l'assemblée et qu'il adressait ses phrases à la muraille. On criait « Here, here !» On n'était point choqué de cette originalité. En Angleterre, chacun s'exprime comme il peut. La vocasserie est inconnue. Rien ne se ressemble ni dans la voix ni dans la déclamation des orateurs. On écoute avec patience, on ne se choque pas quand le parleur n'a aucune facilité, qu'il bredouille, qu'il annonne, qu'il cherche ses mots, on trouve qu'il a fait « a fine speech » s'il a dit quelques phrases de bon sens. Cette variété d'hommes restée telle que la nature les a faits finit par être agréable. Elle rompt la monotonie. Il est vrai qu'il n'y a qu'un petit nombre de lords et de membres de la Chambre des communes à se lever. Nous, toujours placés sur un théâtre, nous pérorons et gesticulons en sérieuses marionnettes. Ce m'était une étude utile que ce passage de la secrète et silencieuse monarchie de Berlin à la publique et bruyante monarchie de Londres. On pouvait retirer quelque instruction du contraste de deux peuples aux deux extrémités de l'échelle. L'arrivée du roi, la rentrée du Parlement, l'ouverture de la saison des fêtes, mêlaient les devoirs, les affaires et les plaisirs. On ne pouvait rencontrer les ministres qu'à la cour, au bal ou au Parlement. Pour célébrer l'anniversaire de la naissance de Sa Majesté, je dînais chez Lord Londonderry. Je dînais sur la galère du Lord Maire qui remontait jusqu'à Richmond. J'aime mieux le Bucentaure en miniature à l'arsenal de Venise, ne portant plus que le souvenir des doges et un nom virgilien. Jadis émigré, maigre et demi-nu, je m'étais amusé, sans être Scipion, à jeter des pierres dans l'eau, le long de cette rive que rasait la barque dodue et bien fourrée du Lord Mayor. Je dînais aussi dans l'est de la ville chez M. Rothschild, de Londres, de la branche cadette de Salomon. Où ne dînais-je pas? Le roast beef égalait la prestance de la tour de Londres. Les poissons étaient si longs qu'on n'en voyait pas la queue. Des dames que je n'ai aperçues que là chantaient comme Abigail. J'avalais le toquet non loin des lieux qui me virent sabler l'eau à pleine cruche et quasi mourir de faim. Couché au fond de ma moelleuse voiture sur de petits matelas de soie, j'apercevais ce Westminster dans lequel j'avais passé une nuit enfermée et autour duquel je m'étais promené tout crotté avec un gant et fontane. Mon hôtel, qui me coûtait 30 000 francs de loyer, était en regard du grenier qu'habita mon cousin de la Bouettardais, lorsque, en robe rouge, il jouait de la guitare sur un grabat emprunté auquel j'avais donné asile auprès du mien. Il ne s'agissait plus de ces sauteries d'émigrés, où nous dansions au son du violon d'un conseiller du Parlement de Bretagne. C'était Almack's, dirigé par Collinet, qui faisait mes délices, bal public sous le patronage des plus grandes dames du West End, là, se rencontraient les vieux et les jeunes dandys. Parmi les vieux brillait le vainqueur de Waterloo, qui promenait sa gloire comme un piège à femmes tendu à travers les quadrilles. À la tête des jeunes se distinguait Lord Clanwilliam, fils, disait-on, du duc de Richelieu. Il faisait des choses admirables. Il courait à cheval à Richmond et revenait à Almack's après être tombé deux fois. Il avait une certaine façon de prononcer à la manière d'Alcibiade qui ravissait. Les modes des mots, les affectations de langage et de prononciation, changeant dans la haute société de Londres presque à chaque session parlementaire, un honnête homme est tout ébahi de ne plus savoir l'anglais qu'il croyait savoir 6 mois auparavant. En 1822, le Fashionable devait offrir au premier coup d'œil un homme malheureux et malade. Il devait avoir quelque chose de négligé dans sa personne, les ongles longs, la barbe non pas entière, non pas rasée, mais grandit un moment par surprise, par oubli, pendant les préoccupations du désespoir. Mèche de cheveux au vent, regard profond, sublime, égaré et fatal, lèvres contractées en dédain de l'espèce humaine, cœur ennuyé, byronien, noyé dans le dégoût et le mystère de l'être. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Le dandy doit avoir un air conquérant, léger, insolent. Il doit soigner sa toilette, porter des moustaches ou une barbe taillée en rond comme la fraise de la reine Élisabeth ou comme le disque radieux du soleil. Il décèle la fière indépendance de son caractère en gardant son chapeau sur sa tête, en se roulant sur les sofas, en allongeant ses bottes au nez des ladies assises en admiration sur des chaises devant lui. Il monte à cheval avec une canne qu'il porte comme un cierge, indifférent au cheval qui entre ses jambes par hasard. Il faut que sa santé soit parfaite et son âme toujours au comble de 5 ou 6 félicités. Quelques dandys radicaux les plus avancés vers l'avenir ont une pipe. Mais sans doute, toutes ces choses sont changées dans le temps même que je mets à les décrire. On dit que le dandy de cette heure ne doit plus savoir s'il existe, si le monde est là, s'il y a des femmes et s'il doit saluer son prochain. N'est-il pas curieux de retrouver l'original du dandy sous Henri III ? « C'est beau mignon, dit l'auteur de l'île des hermaphrodites, pour toi les cheveux longuets, frisés et refrisés, remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les femmes, et leurs fraises de chemise de toile d'atour empesées et longues de demi-pieds, de façon que voir leur tête dessus leurs fraises, il semblait que ce fût le chef de Saint-Jean en un plat. » Ils partent pour se rendre dans la chambre de Henri III, branlant tellement le corps, la tête et les jambes, que je croyois à tout propos qu'ils dussent tomber de leur long. Ils trouvoient cette façon-là de marcher plus belle que pas une autre. Tous les Anglais sont fous, par nature ou par ton. Lord Clanwilliam a passé vite. Je l'ai retrouvé à Vérone. Il est devenu, après moi, ministre d'Angleterre à Berlin. Nous avons suivi un moment la même route, quoique nous ne marchions pas du même pas. Rien ne réussissait à Londres comme l'insolence. Témoin d'Orsay, frère de la duchesse de Guiche. Il s'était mis à galoper dans Hyde Park, à sauter des barrières, à jouer, à tutoyer sans façon les dandys. Il avait un succès sans égal, et pour y mettre le comble, il finit par enlever une famille entière, père, mère et enfants. Les ladies les plus à la mode me plaisaient peu. Il y en avait une charmante, cependant, Lady Guidir. Elle ressemblait, par le ton et les manières, à une Française. Lady Jersey se maintenait encore en beauté. Je rencontrais chez elle l'opposition. Lady Conyngham appartenait à l'opposition, et le roi lui-même gardait un secret penchant pour ses anciens amis. Parmi les patronesses d'Almax, on remarquait l'ambassadrice de Russie. La comtesse de Lieven avait eu des histoires assez ridicules avec Madame d'Osmond et George IV. Comme elle était hardie et passait pour être bien en cour, elle était devenue extrêmement fashionable. On lui croyait de l'esprit parce qu'on supposait que son mari n'en avait pas, ce qui n'était pas vrai. Monsieur de Lieven était fort supérieur à Madame. Madame de Lieven, au visage aigu et mésavenant, est une femme commune, fatigante, aride, qui n'a qu'un seul genre de conversation, la politique vulgaire. Du reste, elle ne sait rien. Et elle cache la disette de ses idées sous l'abondance de ses paroles. Quand elle se trouve avec des gens de mérite, sa stérilité se tait. Elle revêt sa nullité d'un air supérieur d'ennui, comme si elle avait le droit d'être ennuyée. Tombée par l'effet du temps, et ne pouvant s'empêcher de se mêler de quelque chose, la douairière des congrès est venue de Vérone donner à Paris, avec la permission de messieurs les magistrats de Pétersbourg, une représentation des puérilités diplomatiques d'autrefois. Elle entretient des correspondances privées, et elle a paru très forte en mariage manqué. Nos novices se sont précipités dans ses salons pour apprendre le beau monde et l'art des secrets. Ils lui confient les leurs qui, répandus par Madame de Lieven, se changent en sourds cancans. Les ministres et ceux qui aspirent à le devenir sont tout fiers d'être protégés par une dame qui a eu l'honneur de voir Monsieur de Metternich aux heures où le grand homme, pour se délasser du poids des affaires, s'amuse à effiloquer de la soie. Le ridicule attendait à Paris Madame de Lieven. Un doctrinaire, grave, est tombé aux pieds d'Omphale. Amour, tu perdis 3. La journée de Londres était ainsi distribuée. À 6 heures du matin, on courait à une partie fine, consistant dans un premier déjeuner à la campagne. On revenait déjeuner à Londres, on changeait de toilette pour la promenade de Bond Street ou de Hyde Park. On se rhabillait pour dîner à 7h30, on se rhabillait pour l'opéra. À minuit, on se rhabillait pour une soirée ou pour un rout. Quelle vie enchantée ! J'aurais préféré 100 fois les galères. Le suprême bon ton était de ne pouvoir pénétrer dans les petits salons d'un bal privé, de rester dans l'escalier obstrué par la foule et de se trouver, nez à nez, avec le duc de Somerset. Béatitude où je suis arrivé une fois. Les Anglais de la nouvelle race sont infiniment plus frivoles que nous. La tête leur tourne pour un show. Si le bourreau de Paris se rendait à Londres, il ferait courir l'Angleterre. Le maréchal Soult n'a-t-il pas enthousiasmé les ladies, comme Blücher, de qui elle baisait la moustache? Notre maréchal, qui n'est ni Antipater, ni Antigonus, ni Séléucus, ni Antiochus, ni Ptolémée, ni aucun des capitaines rois d'Alexandre, est un soldat distingué, lequel a pillé l'Espagne en se faisant battre, et auprès de qui des capucins ont redimé leur vie pour des tableaux. Mais il est vrai qu'il a publié au mois de mars 1814 une furieuse proclamation contre Bonaparte, lequel il recevait en triomphe quelques jours après. Il a fait depuis ses Pâques à Saint-Thomas d'Aquin. On montre pour un shilling à Londres sa vieille paire de bottes. Toute renommée vient vite au bord de la Tamise et s'en va de même. En 1822, je trouvais cette grande ville plongée dans les souvenirs de Bonaparte. On était passé du dénigrement pour Nick à un enthousiasme bête. Les mémoires de Bonaparte pullulaient, son buste ornait toutes les cheminées, ses gravures brillaient sur toutes les fenêtres des marchands d'images. Sa statue colossale par Canova décorait l'escalier du duc de Wellington. N'aurait-on pu consacrer un autre sanctuaire à Mars enchaîné? Cette déification semble plutôt l'œuvre de la vanité d'un concierge que de l'honneur d'un guerrier. « Général, vous n'avez point vaincu Napoléon à Waterloo. Vous avez seulement faussé le dernier anneau d'un destin déjà brisé. » Fin de la section 27.